un taxi au bout du square pour un nouveau départ. De sa voix, je trouverais bien avec un plan le métro aérien. Accroché de stress, et si tout n'était qu'ivresse, une fable de promesse, chercher au loin ce qui est rare ici, recommencer sa vie, changer d'adresse. Demain, je serai là demain. Fleur à la main, un taxi au bout du square pour un nouveau départ. Une nouvelle ville, décision d'un soir, sans réfléchir et sans retard, vivre et croquer le temps présent. Perdre tout en s'évadant. Quel est notre avenir? Un sourire, une balade, main dans la main. Un jour, une heure, un soupir. Ça ne fait rien. Demain, je serai là demain. Un bouquet de fleurs à la main. Pour un nouveau